la Bitibi, moi je viens de la Bitatibi, moi je viens d'un pays qui est un arbre fort, moi je viens d'un pays qui pousse dans le nord. Ce pays qui était comme un œuf le 13 février 1939, je suis né à Val d'Or en Abitibi, dans ce pays qui est encore tout neuf. J'avais connu Harris Turcotte qui vivait en de beaux bouillerons, qui parlait aux hommes et aux tons, qui chaque matin chaussait ses bottes pour aller comme Gidio Hébert prendre la forêt avec ses mères. Qui avait pas de chinso, qui avait haché boxo, pis des bras durs comme la roche, pis des cuisses comme des troncs d'aube, pis du front tout le tour de la tête, pis qui n'était pas si bête. En 1910, en Abitibi, dans mon pays, oh, oh, oh, oh, qui est de lac Béror. Moi, je viens d'un pays où ce que le poisson mort. Quand j'étais en petit, j'allions jouer au bois avec les épinettes et les bouleaux. Je m'y en gazouillais avec les oiseaux. Quand j'étais en petit, je suivions le ruisseau. Je jouais de la ricana sur la rivière Harmonica. Je regardions passer les gros chars sur ma petite scène qui venait en or. Dans un banc de neige, je creusais maison. Dans la glace, j'écrivais ton nom. Et l'hiver à l'aréna, on patinait tout pantant. L'été près du lac Bloué, on faisait semblant de rien. On ramassait les belois à Covanda pour presque rien. En 1900, quelque en Abitibi, dans mon pays, qui a un ventre en or. Moi, je viens d'un pays où ce qui neige encore. Dans ce pays qu'on dit hors de la carte, mon oncle Edmond travaille sous la terre, mais il creusa dans l'or sa propre mort. Mon oncle Edmond nous a mis sur la carte. Dans mon pays qui a grandi, il paraît qu'au tout premier temps, on y cogna beaucoup d'argent. Il y a de l'or en bord qui dort et c'est. Il y a même des poignées de porte en or, un cuivre en fer qui vont de l'autre bord. J'aimions jouer dans la fanfare pour épater tous les pétards. Quand j'allions au château et ne boire et rire avec mes piastres, j'en venions comptant les astres au petit matin près de la mine. En 1900, tout en Abitibi.